on va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec monsieur Ligue nord-américaine, Gilles Péloquet. Salut Gilles. Hey, bonne journée mon ami Danny. Gilles, grosse nouvelle dans le monde de la Ligue nord-américaine. Tiens, on cherche des noms connus dans la Ligue nord-américaine, mais il y en a tout un qui est connu. Normand Flynn qui s'en va à Trois-Rivières. Oui, c'est vendredi dernier, avant le match, le dernier de la saison, à Sorel, au Colisée, face à Trois-Rivières, que le propriétaire Étienne Boileau m'apprenait qu'il avait fait un coup de génie. Il avait reparlé avec Normand Flynn, une connaissance, et que ce dernier avait accepté de s'amener du côté de Trois-Rivières pour la présente série contre les Éverviers de Sorel. Pourrait manquer le match numéro 1 ce vendredi 9 mars parce qu'il a des engagements avec RDS, mais pour être là pour le reste de la série. Et on se rappellera qu'en match pré-saison, alors qu'une fois, le commissaire avait chassé les trois entraîneurs et quelques joueurs, suite à quelques échauffourées contre, si mémoire ne me fait pas défaut, en fin septembre l'an dernier, Jonquière, il avait appelé Flynn à la rescousse, qui était venu avec lui, Boileau, derrière le banc pour un match, avait bien aimé l'expérience de la Ligue nord-américaine, donc lorsque le coup de téléphone a sonné la semaine passée, ça a été un oui. Et moi, j'appelle ça sur deux temps. Le premier temps, c'est l'amitié d'un gars envers l'autre, lui donner un coup de main. C'est évident que l'expertise de Normand Flynn, qui est un bon enseignant, même s'il ne connaît pas tout à fait la Ligue nord-américaine, peut apporter à l'entraîneur-chef à la côté. En même temps, ben, c'est un coup de marketing pour les deux matchs à Trois-Rivières, parce qu'il y en aura deux assurés au départ dans les deux samedis, le 10 et le 17 à 15h. D'amener plus de monde possible, on parle du 1000-1200, alors qu'ils ont végété malheureusement toute la semaine. Avec une moyenne en deçà de ce qu'elle était les deux dernières années, 668, alors qu'ils ont terminé avec seulement 485 spectateurs à leur dernier match, et autre saison, une marque de 654 de moyenne. Puis dans mon deuxième temps, ben, je lis entre les lignes, je suis comme toi, Danny, on rencontre plein de gens, on est journaliste dans l'arbre, et on se dit en coulisses, ils se préparent de quoi pour l'an prochain. Ils parlent de Saint-Jean, Étienne Boileau, depuis déjà un an, et il espère amener l'équipe qui lui appartient de Trois-Rivières, même s'il y a certaines personnes au niveau de la Ligue qui prétendent que Boileau peut se retrouver à Saint-Jean avec un nouveau club, ou avec la liste des joueurs anciennement de Laval. Lui, et je lui ai posé la question, persiste à me dire, et là-dessus, je pense qu'il a parfaitement raison, j'ai le club, il m'appartient, je peux en faire ce que je veux. Si je ne veux pas l'amener à Trois-Rivières une autre saison et aller ailleurs, comme Saint-Jean, ben j'amène les joueurs avec moi. Et là, son entraîneur-chef sera un gars du coin, Normand Flynn, et c'est pas exagéré, et c'est de bonnes stratégies. Ouais, c'est clair, normal. Puis ça fait connaître, ça fait parler, puis c'est correct, c'est sûr. Déjà à Saint-Jean dans le junior majeur, il a dirigé également à Saint-Hyacinthe, et c'est deux bastions où il peut aller chercher de l'auditoire, des spectateurs pour la prochaine saison. Saint-Jean étant tellement bien placé, il peut récupérer des anciens clients de Sherbrooke, de Saint-Hyacinthe, de Waterloo, d'Acton Vale, d'Asbestos, de Saint-Jean, même un 2-300 de Sorel, comme ils le font en ce moment quand ils voient les Éperviers aller jouer du côté de Trois-Rivières. Donc, il a un bassin pour un 1000 local à Saint-Jean et un 1000 de l'extérieur à 40-50 km, avoisinant une heure de route. Donc, il est vraiment beaucoup mieux nanti et beaucoup mieux placé qu'à Trois-Rivières en ce moment, où ça lève pas, et ça lève pas depuis 5 ans. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, on va suivre ça de près. Parle-moi des séries qui débutent en fin de semaine. Ben, les séries, je pense que serait la moins de se tromper. C'est en 5 ou en 6 parce que tu peux pas terminer l'année avec 4 victoires de suite et l'adversaire 7 défaites de suite et perdre cette série-là. Tu es champion de la Ligue par 7 points. Tu n'as qu'une défaite en temps réglementaire dans les 15 derniers matchs. Et c'était contre Jonquière à Jonquière 8-3 le 6 janvier. Et par la suite, Sorel n'a jamais perdu en temps réglementaire. 11 victoires, 3 défaites en prolongation. T'es la meilleure machine pour marquer des buts contre la pire. Et en plus, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts avec le jeu de puissance contre la pire également. Donc, je vois pas comment Sorel peut perdre en 5 ou en 6 face à Trois-Rivières. Dans les deux autres séries, c'est un petit peu plus intéressant parce que on pourrait facilement dire en 7, mais je pense que Jonquière a la machine pour aller en 6, triompher de Saint-Georges-de-Beauce. Ça va être une série de gardiens. Ça va être d'un côté Rousseau, qui a 2 jeux blancs cette saison, et Desjardins, qui en a 3. À mon humble avis, Desjardins est le gardien de l'année dans la Ligue nord-américaine. Et par lui, une victoire peut arriver. Et c'est cette victoire qui va faire que Jonquière va gagner, mon humble avis, en 6 matchs contre la formation de Saint-Georges. L'autre série, Beardsley-Thetford, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que Thetford a le potentiel offensif et défensif jumelé ensemble pour vaincre Jonquière et le gardien Girard, peut-être un peu plus légèrement supérieur à la casse. Et offensivement, ils ont un trio, les 3 meilleurs marqueurs de la Ligue, avec Veilleux, D'Amour et Tourigny. Mais après ça, ça s'arrête là. Alors que Thetford, un petit peu de tout. Puis derrière le banc, Thetford est allé chercher Denis, puis c'est passé inaperçu par tout le monde. La semaine dernière, on a envoyé à Trois-Rivières un 6e choix de repêchage pour juin 2018. Et on a obtenu quoi en retour? C'est arrivé 3 fois seulement dans les 20 dernières années. On est allé chercher pas un joueur à venir. Pas une transaction d'un joueur, t'as plus le droit. On est allé chercher un entraîneur, mon ami. Ah, OK. On est allé chercher les noms et le droit sur Alain Gardner. OK. Qui est un entraîneur à Trois-Rivières qui, en janvier, a quitté faute de salaire puis être payé pour aider la masse salariale à baisser à Trois-Rivières. À Joliette, dans le Senior 3A, son équipe a été éliminée dans les derniers jours. Et là, Thetford va le chercher. Gardner va assister derrière le banc Daniel Groslot et Bobby Barry. Et okay. C'est l'entraîneur qui a gagné la Coupe avec Rivière-du-Loup il y a 2 ans à peine. Connaît bien l'équipe de Rivière-du-Loup. Ben, beaucoup de marketing, ça aussi, pour Bobby Barry, d'être allé chercher celui qui était en vacances chez lui à Victoriaville dans les Bois-Francs. Mmh. Alain Gardner, derrière le banc en série pour Thetford contre son ancien club Rivière-du-Loup. OK, OK. Mike Babcock, donc après Michel Bergeon, puis Mike Babcock est échangé. Ça se passe également dans la Ligue nord-américaine de hockey. Ah oui, il y a eu également l'ancien entraîneur de Sorel qui avait été transigé également pour un choix de repêchage, Serge, l'an dernier, il y a 2 ans. Puis il y en avait un autre de mémoire, là, qui Eric Hillé, en passant, qui avait été aussi transigé pour un choix de repêchage et qui s'est retrouvé, lui, à Laval avec les Prédateurs. Donc, moi, je pense que c'est une nouvelle tangente des 5 dernières années. C'est arrivé 3 fois. Et là, ben, c'est... Alain est très, très bon pour fouetter, diriger. C'est un gars qui est dans le même style que Bobby Barry, alors que Daniel Groslot est un petit peu plus retenu. À 3 derrière le banc, ça va faire un beau mariage. Comme à Trois-Rivières, je pourrais te dire à 3, avec l'arrivée de Norman Flynn pour seconder Alain Côté et Danny Clessard, sauf quand je lis sur le semi-pro magazine de l'ami Jean Doyon, qui est un peu une référence pour nous, les médias et aussi les fans de la Ligue nord-américaine, que le propriétaire dit « J'ai voulu amener Norman Flynn pour épauler et seconder dans la série contre Sorel. » Alain Côté, il ne parle plus de Danny Clessard. Et Danny Clessard, ben, je vais t'apprendre un scoop que personne ne sait, a été le premier à qui j'en parle médiatiquement parlant. On a notre ami, c'est le commissaire Richard Martel qui attend là, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Oui, ça devrait être déclenché. L'annonce des élections pour le Fjord, ouais. Le Saguenay au niveau fédéral et le Parti conservateur. Danny Clessard, et je peux te gager un café, pour les élections d'octobre 2018 au niveau provincial, va être un candidat pour la CAQ. Ouais. Le comté de Thetford, son comté natif. Lui, il vient d'East Brockton, tout près de la ville de Thetford. Et il était un ami d'un ancien gardien de but, était un copain d'enfance à Mario Lessard, qui a été un gardien. L'ancien des Kings de Los Angeles, c'est ça? La Ligue nationale. Donc, Danny Clessard m'a confirmé vendredi dernier qu'il avait envoyé tous les papiers, qu'il attendait l'officialité pour être le candidat dans Thetford pour, justement, la CAQ. Je lui ai dit, en souriant tout ça, ben, tu peux demander à l'ami Pierre Nadeau, qui fait les matchs à la radio du... assurancière de Thetford. Pierre est un ancien attaché politique du côté de Thetford il y a une dizaine d'années de ça, pendant 12 ans. Donc, tu aurais un gars de la place qui pourrait t'aider à faire tes discours, t'aider à bien parler à la radio, à la télé, faire tes allocutions, te préparer à tout ça, faire tes conférences de presse, être ton animateur. Il a souri, et j'ai mis au parfum Pierre Nadeau cette semaine, qui a souri lui aussi. Donc, il n'y a qu'un pas maintenant pour attendre Danick Lessard, puis dans la lignée en ce moment du procès qui vient de voir M. Barbeau être condamné pour 30 ans, et la tentative de meurtre à son endroit d'Annick Lessard, et le public qui s'est rangé derrière lui. Moi, je pense que c'est une sage décision de se lancer en politique et de tenter sa chance. Puis en même temps, ben, Danick Lessard, s'il le fait, à la faveur populaire, puis d'autant plus, la CAQ ben, est en avant dans son ben oui, pipi. Un peu trop bonheur, par contre. Moi, je suis convaincu. Je suis à peu près certain que c'est un peu trop bonheur. Mais ça, on fait de la politique. On fait pas du sport, mais c'est une question de timing aussi. Gilles, on s'en parle mardi ou mercredi prochain? Avec plaisir, on verra qui a pris les devants dans les deux premiers matchs en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, dans les trois séries. OK, on s'en parle mardi ou mercredi. Gilles Péloquin, de M. Lignon-Mécan de Hockey.